prépare ton chemin, ô Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Je veux te rendre grâce de tout mon cœur, Seigneur, pour ta bonté. Montre-moi ton chemin, ô Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, celui que tu as déposé au plus profond de mon cœur. Car je désire le suivre, demeurer toujours auprès de toi, car c'est toi seul qui fais vivre, ivre de joie, en pensant que tu n'es que justice et bonté, qu'il suffit juste de te dire oui, car dans ton amour, tu n'oserais violer notre liberté. Oh, si nous savions tous le don de Dieu, sur la terre seraient les cieux. J'ai vu ton action parmi les plus pauvres, Seigneur, ton amour dans les regards de tes serviteurs. Toute gloire à toi, la source de toute bonne puissance. Il n'y a qu'avec toi que l'homme reçoit par grâce une seconde naissance. Une seconde naissance. Montre-moi ton chemin, ô Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Je veux te rendre grâce, Dieu de fidélité, toi qui nous donnes gratuitement la vie éternelle. Tu as envoyé Jésus parmi nous pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et par son exemple, il a ouvert le chemin de la vie et nous révèle l'amour paternel. Si nous nous donnons par amour, la paix commencera à couler dans ce monde, dans les cœurs des hommes assoiffés. Elle pourra ainsi surpasser les discours, car c'est en acte et en vérité que s'exerce le véritable amour. Chemin, ô Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Je veux te rendre grâce de tout mon cœur, Seigneur, pour ta bonté. Montre-moi ton chemin, ô Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Je veux te rendre grâce de tout mon cœur, ô Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, nous te rendons grâce.